بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture et le commentaire de ce livre, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. On est arrivé à la parole de l'auteur lorsqu'il dit Ba'abun ma ja'a fil musawwirin. Le chapitre faisant citation au texte, faisant citation des textes liés au Musawwirun. El Musawwirun, ce sont les gens des images, ceux qui vont faire des images. Et donc ce qui est voulu ici, tous les textes que l'auteur va citer, rahimahullah, l'auteur va nous montrer des textes qui montrent l'interdiction de faire des images. Ce qui est voulu par des images, ce sont les images des créatures qui ont des âmes. Les images des créatures qui ont des âmes. Et que cela fait partie des grands péchés. Et donc l'auteur qui dit, rahimahullah, an Abi Hurairata radiallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah ta'ala, ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. Et donc ici, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah azza wa jal, il dit: qui est plus injuste que celui qui donc cherche à créer de la même façon que je crée? Qu'il crée alors du maïs, de l'orge ou un grain, une graine, la graine d'une plante. S'ils en sont capables, vu qu'ils cherchent à copier Allah tabaraka wa ta'ala, alors qu'ils créent ce qui est plus petit et plus facile. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Walahuma, toujours dans Sahihain. An Aisha radiallahu anha, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal: ashaddu an-nasi azaban yawm al-qiyamati alladhina yudahi'una bi khalqillah. Et donc, d'après Aisha radiallahu anha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens qui auront le plus lourd châtiment au jour de la résurrection, ce sont ceux qui cherchent à copier la création d'Allah. Wallahuma, toujours dans Sahihain. An Ibn Abbas radiallahu anhuma, sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul: kullu musawwirin fin nar wa yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun. Et donc dans Sahihain, toujours dans Bukhari et Muslim, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qui dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: toute personne qui fait des images ira dans le feu. Toute personne qui fait des images ira dans le feu. Et certes, yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun. Et pour chaque image qu'il aura fait, on va lui accorder, on lui placera donc une âme par laquelle il sera châtié au jour de la résurrection. Il y a un autre hadith qui vient expliquer cela, qui nous montre ce qui est voulu ici, toujours dans Sahihain, wallahuma, anhu, d'après toujours Ibn Abbas, rajala anhuma, marfu'an, qu'il attribue au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, man sawwara suratan fi dunya. كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui a pris une image, une, ici-bas, il lui sera demandé au jour de la résurrection de lui insuffler une âme, et il ne sera pas capable de le faire. Donc de la même manière qu'il a cherché à copier la création d'Allah tabaraka wa ta'ala, il lui sera donc demandé d'insuffler une âme à cette image qu'il a fait. Pour chaque image que l'individu a fait. Wali muslimin عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. Et rapporté par Muslim rahimahullah dans son sahih d'après Abu al-Hayyaj qui dit que Ali radiallahu anhu il lui a dit donc puis-je donc t'envoyer avec donc les mêmes commandements dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé avec ceci. Et donc certes ne laisse aucune image sans que tu la fasses disparaître. Donc où tu vas, ne laisse aucune image sans que tu la fasses disparaître, ni aucune tombe surélevée sans que tu la mettes à la bonne hauteur. Et donc les tombes, ici en islam, barakallahu fikoum, ce qui est demandé pour la hauteur des tombes, c'est que c'est juste ce qui permet de reconnaître que c'est une tombe. Juste ce qui permet de reconnaître qu'il y a une tombe et qu'il ne faut pas marcher dessus. C'est une hauteur d'un chibre. Chibre, donc ça va être la hauteur, ça va être la longueur qu'il y a entre le pouce et l'auriculaire pour une personne qui a une main normale. Et donc, ce n'est pas une longue hauteur. Ce n'est pas une longue hauteur. Contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui, même parfois dans des pays musulmans, Wallahu al-musta'an. Et donc, tous ces hadiths, barakallahu fikoum, ils nous montrent que l'interdiction des images et que cela fait partie des grands péchés. Cela fait partie des grands péchés. Puisque qu'est-ce que sont que les grands péchés? On a déjà vu précédemment, les grands péchés sont donc tous les péchés qui sont suivis d'un châtiment, d'une punition ici-bas, ou d'un châtiment dans l'au-delà, ou de la malédiction, ou du fait que le prophète il se désavoue lorsqu'il dit « Anabari, je me désavoue de telle et telle personne qui font telle et telle chose, etc. » ou autre. Et donc ici, on comprend clairement que cet acte fait partie des grands péchés. Pourquoi est-ce que l'auteur, il le cite ici, barakallahu fikoum? Parce que ce sujet est la cause, est une des causes de la propagation du shirk dans les communautés. Rappelez-vous que c'est comme cela que le shirk est apparu. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient pieux. Shaitan est venu voir donc les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala après la mort de ces pieux et il les a rappelés. Pourquoi? Par respect pour eux, vous n'allez pas tailler pour eux des statues, des images, afin de vous rappeler la piété de ces gens-là. Et donc les gens ont fait cela, ils ont fait des images de ces pieux. Et ensuite, avec le temps, avec l'ignorance qui se propage, ils ont commencé à adorer ces pieux-là. Hein? Ils ont commencé à les adorer par donc l'intermédiaire des images et des statues qu'il y avait. Ah, toi tu fais des péchés, pourquoi est-ce que tu vas demander directement à Allah de te pardonner? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas directement voir la statue de un tel et lui demander donc d'intercéder en ta faveur? Et tout cela c'est du shirk. C'est comme ça que le polythéisme s'est propagé. Et donc ce sujet est un sujet qui est en lien direct avec le sujet du livre, le tawhid. Le fait de montrer le tawhid et le fait de montrer le shirk, le polythéisme dans les détails. Tayyib, maintenant, qu'est-ce qui est voulu par les images? Quelles sont les images interdites? On a déjà dit que les images interdites, ce sont des images de tout ce qui a des âmes. Il y a une divergence entre les savants, et là je parle divergence entre les savants de Ahlus Sunna. Est-ce que ce qui est voulu ici, ce sont les images façonnées, c'est-à-dire la personne qui va dessiner et la personne qui va donc faire une statue aussi, qui va tailler la pierre. Est-ce que c'est ce qui est voulu de manière spécifique ou alors même les appareils, les photos, avec les téléphones aussi rentrent dans ce même sujet? Ça, c'est un sujet de divergence qu'il y a entre les gens de Ahlus Sunnati ou Al-Jama'a. Certains savants vont voir l'interdiction formelle des images. Que ça soit avec les appareils photos, les téléphones, le dessin ou alors les statues. Par rapport à la généralité des textes. Et d'autres savants vont voir que ce qui est voulu par là, ce sont les images qui justement peuvent être utilisées par la suite comme qui peuvent être par la suite être une cause du polythéisme. C'est-à-dire les dessins qui vont être propagés, qui vont être mis, qui vont être affichés du moins, ou alors les statues qui vont être vues par tous. Et par contre, ce qui est dans le téléphone, ce qui est dans les appareils, etc., ne rentre pas dedans. Ça, c'est un sujet de divergence, barakallahu fikoum, entre les ulema. Et c'est pour cela que moi, le conseil que je donne à mes frères concernant ce sujet, c'est de ne pas laisser rentrer de l'animosité entre nous à cause de ce genre de sujet. Ça, c'est un sujet de divergence entre les ulémas de Ahl Sunnah. C'est pas un sujet de divergence entre Ahl Sunnah et Ahl Bida. C'est un sujet de divergence chez les ulémas de Ahl Sunnah. Et les ulémas de Ahl Sunnah ne se sont pas fait la guerre pour cela. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, que nous aussi on comprenne que nous n'avons pas plus de jalousie pour la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, que ces ulémas. Et donc, il n'est pas convenable que des gens se fassent la guerre pour ce sujet, barakallahu fikoum. Ensuite, l'auteur qui dit, rahimahullah, babu ma ja'a fi kasratil halifi. Le chapitre concernant le fait de beaucoup jurer. Le fait de beaucoup jurer. Wa qawli Allah ta'ala wahfazu aymanakum. Et la parole d'Allah le Très-Haut est préservez vos serments. Préservez vos serments. Et donc il fut dit que ce qui est voulu par les serments, le fait de préserver vos serments, c'est-à-dire ne jurez pas. Ne jurez pas. Il fut dit aussi que ce qui est voulu par là, c'est lorsque vous jurez, alors respectez votre engagement. Lorsque vous jurez, respectez votre engagement. Et donc, et ça c'est la vie le plus juste. Et donc lorsque tu jures, tu dois respecter ce pourquoi tu as juré. Sauf si tu vois que en respectant ce pourquoi tu as juré, tu vas délaisser un acte qui est recommandé, ou alors tu vas faire un acte qui est détestable. À ce moment-là, on va te dire, il est mieux pour toi de ne pas respecter ce pourquoi tu as juré, et ensuite de faire l'expiation, tout simplement. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Abdurrahman ibn Samura, la tas'alil imara, fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilayha. وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. Et donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne demande pas l'imara. L'imara, c'est le fait d'être chef, d'être gouverneur. Ne demande pas. Car si cela t'est accordé, donc si tu deviens gouverneur ou que tu as autorité, alors que tu as demandé cela, alors donc wukilta ilayh, c'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala va te laisser. Allah tabaraka wa ta'ala va te laisser t'occuper de cette tâche. Par contre, si ce poste t'est donné sans que tu l'aies demandé, urinta ilayh, on t'aidera. On t'aidera. Si ce poste t'est donné alors que tu l'as demandé, tu as cherché à l'avoir, alors là, il va falloir que tu l'assumes. Il va falloir que tu l'assumes. Mais si ce poste t'est donné alors que tu ne l'as pas demandé, alors là, on t'aidera. Et ensuite, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu jures, et que tu vois que une autre chose est meilleure, et donc tu vois qu'il est mieux de faire ce pourquoi tu n'as pas juré, alors à ce moment-là, tu vas juste faire l'expiation de ton serment, et tu vas faire ce qui est mieux. Comme quelqu'un qui jure de ne pas venir à la mosquée. Il habite un endroit où la prière, elle ne lui est pas obligatoire. C'est pas comme quelqu'un qui habite à côté où là, la prière, elle est obligatoire pour lui à la mosquée. Lui, il habite dans un endroit qui est un peu loin. Là, c'est recommandé. Et il va jurer, il va dire, Wallahi, je vais pas à la mosquée. Là, on va lui dire, il est préférable pour toi de ne pas respecter cet engagement, d'aller à la mosquée et de faire l'expiation du serment. Quelle est l'expiation du serment? L'expiation du serment, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. Alors, l'expiation de cela est le fait de nourrir 10 pauvres, de la même manière que vous nourrissez votre famille. Ou alors, le fait de les vêtir. Quand on dit de les vêtir, c'est-à-dire un vêtement qui leur permette de faire la prière. Un vêtement qui est valable pour la prière. Ou alors, de libérer un esclave. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَسِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامُ. Celui qui ne trouve pas, celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne 3 jours. ذَلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. Ceci est l'expiation de vos serments lorsque vous jurez. وَحْفَظُوا اَيْمَانَكُمْ. Et préservez vos serments. Et donc ce qui est demandé à la personne qui a fait un serment, c'est que cette personne, donc ici, elle va devoir soit nourrir 10 pauvres, ou alors les vêtir, ou alors libérer un esclave. Si elle n'en a pas la capacité, jeûner 3 jours, insha'Allahu ta'ala. Ensuite, l'auteur qui nous dit, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, الحلف منفقة للسلعة وممحقة للكسب أخرجه. D'après Abu Huraira رضي الله عنه, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, le fait de jurer, le serment va augmenter, va grossir, donc l'article ou le produit que tu vends. D'accord? Le serment va grossir cet article que tu vends. Mais par contre, il va diminuer le gain, c'est-à-dire diminuer la bénédiction. Ce qui est voulu dans ce hadith, barakallahu fikoum, on le voit dans d'autres hadiths. Dans d'autres narrations, par exemple, Cheikh Ubayd, hafidhahu rahimahullahu ta'ala, dans son explication, il nous cite une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Celui qui va donc donner de la valeur à ses produits, à ses articles, en jurant de manière mensongère. Et donc il nous dit, et donc on comprend en rassemblant toutes les narrations que ce qui est voulu ici, c'est le fait qu'il est interdit de jurer, lorsqu'on fait du commerce, lorsqu'on vend ou on achète, il va être interdit de jurer en mentant. Hein? Beaucoup vont te dire, wallahi, wallahi, ce produit-là, je l'ai acheté tel prix, wallahi, wallahi, tel produit qui vient effectivement de telle ferme, wallahi, etc., etc., etc. Et donc les gens vont jurer par Allah, tabaraka wa ta'ala, en mentant pour donner de la valeur à leurs produits qu'ils vendent. L'auteur qui continue en nous disant, wa an Salman, radiallahu an, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam akol, ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Et donc il y a donc Salman qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 personnes dont Allah tabaraka wa ta'ala ne s'adressera pas à eux, excusez-moi, et il ne va pas les purifier, et ces gens-là auront un châtiment douloureux. Qui sont ces 3 personnes-là? Il nous dit, Ushaymitun Zanin. Hein? Dans une autre narration, Zishayba Ezzani. C'est-à-dire, celui qui est âgé, le vieux, et qui fornique. Hein? Malgré le fait que sa shahwa, elle a diminué. Hein? Malgré le fait que ses désirs ont diminué, et qu'il est censé avoir plus de sagesse, et qu'il sait qu'aujourd'hui, s'il a vieilli, ça veut dire qu'il a passé de longues années, et donc peut-être qu'il ne lui reste pas beaucoup d'années. Hein? Il sent déjà la faiblesse sur son corps, lorsqu'il se déplace, etc., etc. Et donc il est dans une situation où il doit craindre Allah, tabaraka wa ta'ala, et malgré ça, il fornique. وَرَجُلٌ جَعَلَ اللَّهَ بِضَاعَتَهُ لَا يَشْتَرِ إِلَّا بِيَمِينِهِ وَلَا يَبِعُ إِلَّا بِيَمِينِهِ. Ici, c'est un homme qui a fait en sorte que Allah tabaraka wa ta'ala soit son produit qu'il vend. Il ne va rien vendre sans jurer. Et ne va rien acheter sans jurer. C'est ce qui est voulu dans ce hadith. C'est pour cette raison que l'auteur a cité donc ce hadith ici. Pour nous montrer donc le fait que Oshafkar barakallahu fikum, il est blâmable de tout le temps jurer. Même si tu jures en étant véridique, il n'est pas convenable que tu jures tout le temps. Tu dois faire très attention à cela. Beaucoup de personnes, le fait de jurer pour eux, c'est devenu comme bonjour. Ouais, ça va, wallah. Salam alaykoum, ça va, wa alaykoum salam, alhamdoulilah, ça va, wallah. Et la famille, wallah, wallah, ah, je vais partir en vacances, wallah, j'ai fait zahar, wallah. Les gens ne cessent de jurer. Ils vont jurer tout le temps, c'est une mauvaise habitude. C'est une très très mauvaise habitude à ne pas prendre. Barakallahu fikum. Wa fi sahih. Et donc dans le sahih, ici sahih al-Bukhari et sahih muslim. An Imran ibn Hussein. D'après Imran ibn Hussein, qui dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم qui dit, donc la meilleure des générations est la mienne, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. Imran il dit, je ne sais pas si après sa génération, le prophète, il a cité deux générations ou trois. Il ne sait pas. Il a un doute. Thumma inna ba'dakum qawman yashhadun wa la yustashhadun wa yakhunun wa la yu'tamanun wa yanzurun wa la yufun wa yadhharu fihi musliman. Et donc ensuite il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après ces générations là, donc après ces meilleures générations, vont apparaître, donc, après cela, des gens qui vont attester, mais pourtant ils ne sont pas fiables. C'est des gens qui vont faire des témoignages, et ils vont attester de certaines choses, mais ils ne sont pas fiables. Ils vont jurer dans leurs témoignages, mais ils ne sont pas fiables. Certains vont mentir dans leurs témoignages. Et donc ils vont jurer par Allah tabaraka wa ta'ala de manière mensongère. Ils trahissent et ne sont pas dignes de confiance. Ils vont prendre des engagements, un nazar, ils vont faire des vœux, mais ne vont pas les respecter. Et il y aura chez eux de manière apparente, essimen, c'est-à-dire l'obésité. Et donc ici, barakallahu fikoum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà annoncé ce phénomène que nous voyons aujourd'hui à notre époque. La propagation du mensonge, des gens qui vont donc faire des témoignages de manière, donc des témoignages mensongers, hein. Rappelez-vous, le prophète dans un autre hadith, le prophète qui était donc couché, appuyé, donc, et qui disait, Ela urbirukum bi akbaril kaba'ir, puis-je vous informer des plus grands des grands péchés? Il a dit ça trois fois. Puis-je vous informer des plus grands des grands péchés? Puis-je vous informer des plus grands des grands péchés? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ash-shirku billah, le polythéisme, wa qatlu nafsi allati harrama Allah. Et donc le fait de tuer, donc toute personne qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit de tuer. Il a cité les kébair, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il s'est levé. Hein? Il s'est assis. Et il a commencé à dire, « Ela wa qawla zour, ela wa qawla zour. » Certes, la parole mensongère, le témoignage mensonger. Et donc, ceci, au cher frère, est un grand péché. Et il n'est pas convenable, il n'est pas normal que cela se propage donc dans la communauté musulmane. Et nous, on va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite et de nous placer parmi les véridiques. Il est capable de toutes choses. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.